طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر لنا بعض معاني بعض الكلمات التي أخذناها في دروس سابقة، مثل الصمد، ما معناه؟ الصمد، السيد الذي يسمن إليه الحرائق. نعم، الصمد يعني le maître vers qui se tourne toute la création. نعم. طيب، وما معنى كلمة كفوان؟ كفوان؟ ها؟ nul similaire. أيوة، l'ego ou le comparable. نعم. طيب، وكلمة الفلق عندك يا أبا عبد الله؟ الصبح. الصبح، نعم، أحسنت. نعم، وكلمة غاسق عندك يا عبد الكريم؟ كنت غائب. خلاص، إذن نعفو عنك. طيب، عندك يا يحيى، ما معنى كلمة غاسق؟ الليل. نعم، أحسنت. طبعا كل هذه على ما فسره الشيخ أبو عمرو، وإلا هناك أقوال أخرى. نعم، الليل. طيب، النفاثات. نعم، السواحر. نعم، السقسي. طيب، الوسواس. لا، الشيطان. يعني أحسن ما يقول أو يقال، يعني أن المراد بالوسوس أي الموسوس. المراد le but visé de la كلمة الوسوس، c'est-à-dire le موسوس، celui qui provoque ses mauvaises pensées، وهو الشيطان كما قال أخونا يحيى حفظه الله. نعم، والخنث. من الشيطان. نعم، يعني تفيد ماذا؟ خلص ليس الحسد. لا، يجيب الشبهات. يأتي بشيء ثم يفير. نعم، يأتي يحضر عندك ثم بعدين ينخنس، يذهب. طيب، يعني متى يأتي عندك؟ أي نعم، أحسنت. إذا كان العبد غافلا عن ذكر الله عز وجل، فهناك يعني يتسلط عليه الشيطان من جميع النواحي. نعم، دونك le serviteur lorsqu'il est insouciant sur le rappel d'Allah عز وجل، alors c'est à ce moment-là que الشيطان se précipite sur lui et l'entoure. نعم، وإذا ذكر ربه فيفر الشيطان ويهرب. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله، سورة المسد. سورة المسد، وهي مكية بلا خلاف، هذا يحفظ. وهي مكية بلا خلاف. Donc, Sourate al-Masad, et c'est une sourate qui a été révélée durant la période mécoise, c'est-à-dire avant la hijra du prophète, alayhi salatu wassalam, bila khilaf, et sans qu'il y ait la moindre divergence parmi les gens de science sur le sujet. Ça veut dire, en gros, qu'il y a un consensus ou l'unanimité des savants pour dire sur le fait que cette sourate est descendue à la période mécoise. Naam. قال يعني شيخ أبو عمرو، سبب نزول هذه السورة لما نزلت Donc, Cheikh Abou Amr dit la cause de la descente de cette sourate est lorsque est descendu le verset وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Le verset de sourate Al-Shu'ra, verset 214. Sourate Al-Shu'ra, Shu'ra est verset 214. Non. طيب الله سبحانه وتعالى يقول وأنذر عشيرتك الأقربين. Donc الله سبحانه وتعالى dit selon une traduction approximative et avertit ta famille les plus proches, les gens de ta famille les plus proches. نعم. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم après avoir reçu ces versets, a regroupé Quraysh. Parce que Quraysh, c'est sa tribu, c'est les gens de sa famille. Naam. Il a rassemblé donc Quraysh, la tribu de Quraysh. Faqala Abu Lahab, tabban laka sa'ira al-yawm, ali hadha jama'tana. Donc Abu Lahab, lorsqu'il a entendu pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé sa tribu, c'est-à-dire Quraysh, il a dit tabban laka, que tu sois perdu. Pour une telle chose, tu nous as rassemblés, c'est-à-dire pour l'appel à Allah Azza wa Jal, l'unique, sans rien lui associer. Pour une telle chose, tu nous as rassemblés. Fanazalat as-sura. Et c'est ainsi que la sourate tabbat yada Abi Lahab wa tab nazalat. Yani, et ça, c'est un hadith muttafaqun alayh. عن ابن عباس. C'est un hadith, يعني le سبب النزول هذه الآية هذه السورة يعني من حديث مأخوذ من حديث عبد الله ابن عباس. Donc la cause, يعني celle que Cheikh Abou Amr vient d'évoquer, c'est pris du hadith de Abdullah ibn Abbas qui est متفق عليه. نعم. وعند قوله تبت أي خسرت وظل عمله وهذا دعاء وهذا دعاء. طيب. Donc au sujet de la parole tabbat, c'est-à-dire que soit perdu ou que périsse et soit perdu son œuvre, que périsse et soit perdu son œuvre. وهذا دعاء, et ceci est une invocation. Et ceci est une invocation. طيب. قال وعند قوله أبي لهب أي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام, واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب, واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. Donc son nom était عبد العزة ابن عبد المطلب. طيب تبت يدا أبي لهب. نعم. وتب, ما معنى وتب؟ قال وتب أي تحققت خسارته, أي تحققت خسارته. C'est-à-dire, yani, au sujet de la parole watab, c'est-à-dire c'est concrétiser sa perte. Donc le premier, c'est une dua, tabbat yada, que périssent tes mains ou ton œuvre, ou tabbat yada, que périssent les, oui, ton œuvre. Naam. Watab, et certes c'est concrétiser cette perdition. Naam. وعند قوله وامرأته أي زوجته, c'est-à-dire son épouse, أم جميل أروى بنت حرب, qui s'appelait أم جميل أروى, أروى c'est son prénom, بنت حرب, حمالة الحطب. عند قوله حمالة الحطب أي كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, hammalat al-hatab, c'est-à-dire celle qui transportait des épines et qui les installait sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Wa qila tahtub ay tajma'u al-kalam wa tamshi bin namima. Et il a été dit un autre sens de ce verset, c'est-à-dire tahtub bi ma'na tajma', elle regroupait les paroles pour ainsi pour faire de la calomnie. La calomnie sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc hada wa hada. Yani soit, c'est-à-dire elle portait des épines qu'elle allait chercher dans la forêt ou quoi, quand, comme celui qui ramasse du bois, et ensuite pour les déposer sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou soit elle regroupait les paroles des gens à droite à gauche et pour ainsi effectuer de la calomnie sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Naam. Wa inda qawlihi jidiha, yani fi jidiha ay unuqiha, c'est-à-dire son cou. C'est-à-dire son cou. Naam. Wa 'inda qawlihi hablun min masad. Ay hablun min lif wa hadid wa liha. Ja'ala aw ju'ila fi 'unuqiha kal qilada fi an-nar. Donc c'est au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit hablum min masad, c'est une corde composée de lif, c'est-à-dire de fibres, ainsi que de hadid, du fer. Naam. Et liha, c'est de l'écorce, c'est-à-dire c'est une corde composée de fer, de fibres et de d'écorce. Subhanallah. وهذا على عنق تلك المرأة الخبيثة الملعونة. Et ça, c'est une corde qui sera déposée sur le cou de cette femme qui fut maudite par ces versets. Naam. C'est spécialement pour elle, ce châtiment. Naam. خاص لها. والله تعالى أعلم. نعم طيب فهذا الذي ذكره الشيخ أبو عمر فهي سورة عظيمة donc ceci est une sourate عظيمة ومنها استنبطوا العلماء يعني جواز الجرح والتعديل et de cette sourate les savants ils ont pris le fait qu'il est permis la critique et l'éloge envers les personnes qui méritent cela. فانظروا الله سبحانه وتعالى كيف وصف أبي لهب أو أبا لهب بالخسارة تبت يدا أبي لهب. نعم. وفي مقابل ذلك هذا جرح رحمك الله هذا جرح. طيب وفي مقابل ذلك ماذا قال في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله هذا تعديل من الله عز وجل وغيره كثير في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يثني على بعض الصالحين ويعني على رؤوسهم الرسل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى نعم ونوح وآدم كلهم الله سبحانه وتعالى يثني عليهم وفي مقابل ذلك يعني يذم أهل الباطل كالكفرة والمنافقين نعم donc الله سبحانه وتعالى c'est venu dans beaucoup de آيات du Coran qu'Allah سبحانه وتعالى il fait l'éloge des gens pieux à leur tête les messagers comme le prophète عليه الصلاة والسلام ainsi qu'Ibrahim et Moussa Et tous les prophètes, tous les messagers, et dans, en contrepartie aussi, ils critiquent les gens du faux, les gens du batil, comme les kuffars, ainsi que les munafiqins, ou غير ذلك, ou les mubtadi'a, كلهم داخلة في الجرح. نعم. نعم. وانظروا كيف ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في أهله. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé dans sa famille. Parce que Abu Lahab, c'est qui par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam ? C'est son oncle. Subhanallah. C'est son oncle. Malgré tout, malgré qu'il y ait un qaraba bainahum, yani ittakhadahu aduwan. Yani Abu Lahab, il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un ennemi. Wa aada. Et il lui a fait du tort. Ashaddul Adawa. Bel, il a pris son épouse pour faire du tort au prophète d'Allah. Fata'awanu fi dhalika 'ala al-ithmi wal-'udwan. Et ils se sont entraidés dans cette chose-là, dans le mal et dans la transgression. Fa usratu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou a'mam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inqasamu 'ala thalathati aqsam. Et les oncles du prophète, alayhi salatu wassalam, عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة انقسموا إلى ثلاثة الأقسام إلى ثلاثة أقسام. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu avec cette دعوة, c'est-à-dire cette دعوة du tawhid, al-uluhiyya, ses oncles sont divisés en trois parties. Ceux qui ont secouru le prophète عليه الصلاة والسلام et ont cru en lui. منهم من؟ حمزة ابن عبد المطلب. ومن؟ والعباس. نعم. وأيهما أفضل من الآخر؟ Et c'est lequel le plus méritant des deux؟ هذا يقول حمزة ما؟ لا لا بين العباس و وحمزة. حمزة؟ نعم نعم. فحمزة أفضل من العباس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه بأنه أسد الله، وفي رواية أسد رسول الله. عز وجل ومات في خيرة الشهداء شهداء أحد. نعم. فحمزة أفضل من العباس. طيب. فهؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. donc ces deux là ils ont cru au prophète صلى الله عليه وسلم et ils l'ont secouru. طيب. هناك من يعني نصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. كعبد المطلب. نعم. et là il y a des oncles du prophète صلى الله عليه وسلم qui ont cru en lui, ou plutôt un, qui l'a secouru, mais qui n'a pas cru en son message. فَهَذَا مِثْلُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ أَبِي طَالِبِ أَبِي طَالِبِ عَفْوًا مِثْلُ أَبِي طَالِبِ مِثْلُ أَبِي طَالِبِ le père de Ali. نعم. Et parmi ses oncles, ceux qui n'ont pas cru en lui, ne l'ont secouru, bien au contraire, ils l'ont pris en inimitié. منهم هذا الملعون أبو لهب نعم نعم نعم parmi les proches du prophète هناك يعني أقارب كثير يعني عادوا النبي صلى الله عليه وسلم il y a d'autres parmi les proches du prophète صلى الله عليه وسلم qui lui ont fait du tort يعني تخيل قريش كلها يعني في الحقيقة لها قرابة صلة مع النبي صلى الله عليه وسلم C'est sa tribu, la tribu de Quraysh. فَمَاهُ فَقَتْ يَعْنِي أَبُو لَهَبْ بَلْ هُنَاكَ غَيْرُ لَكِنْ هَوْلَا أَشْحَرْ Cela, c'est plus connu. نعم. نعم. فَانْدُرُوا يَا إِخْوَةَ كَيْفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَنْصُرْ عِبَادَهُ وَكَذَلِكَ هَذِهِ مِنْ أَعْظَمْ دَلَالَةَ عَلَى أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حق وأن رسالته حق. Et ça fait partie des plus grandes preuves que le message du prophète صلى الله عليه وسلم est une vérité. Lorsque lui il est venu, Abu Lahab hey. Le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a pas la guidée dans les mains. Il peut pas يعني décider de qui va aslam et qui va mécroire ou qui va mourir musulmane ou qui va mécroire, mourir mécréant. Ça, ce n'est pas dans la main du prophète. Mais malgré tout, Il est venu au début de l'islam et il a dit هذا في النار. يعني بمعنى ما سيؤمن بالله. Et ça, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas savoir. Puisque quand il y a eu la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam da'a ala ba'd an-nas. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé lors de la bataille de Uhud et ensuite, il a invoqué le châtiment d'Allah sur certaines personnes parmi les kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le verset sur lui, laysa laka min al-amri shay. Tu n'as rien dans cette affaire. Pourquoi? Parce que les gens sur qui il a fait des invocations, après Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît et vous ne connaissez pas. Mais pour cet homme-là, tahaqqaqat annahu fi an-nar. يعني من بداية الأمر انظروا إلى عمر بن الخطاب كان يعادي المسلمين وكان من أشد الناس عليهم ومع ذلك آمن في الأخير وكذلك خالد بن الوليد وكذلك غيره أبو سفيان وغيرهم أما هذا تحققت فانظروا إلى التوكيد الله تبت يده كتمات بغض وتب تحققت الخسارة يعني خلاص lui c'est vraiment il est perdu لا ما سيؤمن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو يعني يتيقن أنه من أهل النار فهذه من أكبر آية القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق كلام الله عز وجل نعم وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك